Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. Les Saguenay de Chicoutimi n'avaient pas de joueurs ou de choix de première ronde. Par contre, ils ont repêché deux joueurs du haut du lac, Mikishi à Wasish. Et un de ceux-là, choix de quatrième ronde. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le gars de Mastouillage pour avoir ses impressions. Bon après-midi, Mickey. Bon après-midi. Merci pour l'entrevue. Mais Mickey, si on parlait un petit peu de est-ce que tu t'attendais vraiment à être choisi par les Saguenay de Chicoutimi? Mais c'est sûr, déjà en partant, c'est avec les entrevues qu'on avait eues, les rencontres que j'ai eues avec les Saguenay, je savais que j'avais un bon feeling pour ce qu'étaient les Saguenay. C'est sûr, rendu là-bas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut arriver n'importe quoi. On peut se faire réclamer par n'importe quelle équipe. Mais à vrai dire, oui, c'est sûr, j'avais une très bonne impression, un très bon feeling ça, pour les Saguenay. OK. Quel joueur, quel type de joueur que t'es? Moi, ça, c'est un joueur qui est tout oué, je peux dire, qui a pas joué des deux côtés de la patinoire. C'est un joueur ça qui joue de l'émotion, qui est capable de jouer robuste. Puis, OK. C'est jamais ça dans ma game. Choix de quatrième ronde des Sags. Normalement, ça a de bonnes chances de jouer dans la Légion majeure du Québec pour la prochaine année. Comment tu anticipes ton année? C'est sûr. En étant choix de quatrième ronde, c'est sûr que. Oui, c'est gratifiant, on peut dire, mais c'est sûr, le travail reste à faire pour cet été, justement. Il n'y a rien de confirmé encore. C'est sûr, je suis en bonne position, puis je vais travailler. C'est sûr, je vais faire les sacrifices pour être en mesure de percer dans la prochaine. Tu es à 6 pieds, 169 livres, je pense, c'est à peu près ça. Tu devrais quoi? Tu vises quoi? 175, 180 pour la prochaine année, quoi? Oui, c'est ça mon objectif. Je veux prendre du poids, prendre de la masse, prendre du muscle aussi pour être en muscle de jouer avec les plus vieux. Mais c'est ça, là. C'est ça mon défi. Toi, si on parlait de toi un peu, tu as joué avec les élites, et par la suite, tu as joué, puis oui, j'imagine, avec les Sabres de Robert Lass, pas les Sabres, mais les Hurricanes de Mastouillage, pardon. Et par la suite, tu es allé dans le programme Espoir, quoi? OK, mais dans le fond, ça a commencé Pee-wee, okay. Je vois Saint-Félicien, Pee-wee première année. Après ça, j'ai commencé, j'ai joué dans les Espoirs du Lac Saint-Jean, Pee-wee deuxième année, okay. Pee-wee DA. Après ça, ça commence, Bantam deuxième année, Bantam première année, en fait, je retournais à Mastoyette dans ma région, Bantam 2C. Après ça, j'ai refait l'équipe Bantam Espoir, Bantam 2A, les Espoirs la deuxième année. Puis par la suite, c'est ça, cette année, c'est arrivé Midget 3 avec les élites dans ma première année Midget. Donc, c'est ça aussi. OK. Est-ce que quatrième ronde, c'est ça que tu t'attendais vraiment ou tu pensais vraiment sortir plus tôt ou plus tard? Non, ben en fait, moi, c'est ça, par la centrale, j'étais classé cinquième ronde. OK, donc c'est bon. Moi, c'est sûr, je savais que ça allait tourner autour de ça au début, mais avec ce que mes coachs me disaient, ce que mes entraîneurs me disaient, ce que mon agent me disait, c'était trop quatrième ronde, je savais que j'allais sortir. Okay. J'allais sortir plutôt que le cinquième rond. OK. Il te reste-tu des possibilités avec les élites? Si jamais tu ne fais pas l'équipe, tu peux jouer avec les élites l'an prochain, j'imagine? Oh, oui, ça c'est sûr que oui. OK. Ben, Michou, félicitations. C'est pas mal le fun d'avoir un autre joueur de Mastouillage, d'être repêché par les Saguenay de Chicoutimi. Puis deux gars de la région également, Charles Tremblay, qu'on va parler demain. Donc, bravo, puis on se donne des nouvelles au courant de la saison. Allez, merci beaucoup. Michou Awashish, qui était choix de la quatrième ronde des Saguenay de Chicoutimi au dernier repêcheur.